Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 136, de la patience. Nature et mérite de la patience. On la compare avec les autres vertus. Elle ne saurait exister sans la grâce. Elle fait partie de la force. Rapport entre elle et la longanimité. 1. La patience est-elle une vertu? La patience, dit saint Augustin, est un don si grand qu'on l'a loué dans celui-là même qui nous la donne. La tristesse, a dit le Saint-Esprit, tue beaucoup d'hommes, et il n'y a point d'utilité en elle. Il faut nécessairement que nous ayons une vertu qui empêche notre raison de succomber à ses atteintes. Cette vertu, c'est la patience, par laquelle nous supportons avec une grande égalité d'âme les maux de cette vie, nous gardant d'abandonner les biens qui doivent nous conduire à un état plus parfait. Il est manifeste par là que la patience est une vertu. Note. L'homme véritablement patient aime mieux supporter le mal que de le commettre. Quant à celui qui souffre en faisant le mal, on doit admirer sa dureté, et non sa patience. Fin de la note. 2. La patience est-elle la plus grande des vertus? La vertu de la patience, par laquelle nous sommes uniquement éloignés du mal, est inférieure non seulement à la foi, à l'espérance et à la charité, mais encore à la justice et à la prudence, qui nous mettent immédiatement en rapport avec le bien. Elle ne tient pas même le premier rang parmi les vertus qui préservent les hommes du mal, car les dangers de mort, que bravent la force, et les plaisirs du toucher, objet de la tempérance, ont plus de puissance pour nous éloigner du bien que les adversités, où la patience est nécessaire. Note. Saint Jacques 1, 4, dit que la patience est une œuvre parfaite, pour nous faire entendre qu'il en est ainsi dans la mauvaise fortune, qui conduit à la tristesse, à la colère et à la haine. Si la patience est appelée par saint Grégoire la racine et la gardienne de toutes les vertus, c'est qu'elle écarte ce qui serait un obstacle à leur naissance et à leur accroissement. Fin de la note. 3. La patience peut-elle exister sans le secours de la grâce? David disait, « Ma patience me vient de Dieu. » Psaume 61, 6. Il n'y a que la charité, par laquelle nous aimons Dieu plus que toute chose, qui puisse nous porter à préférer les biens de la grâce aux biens naturels, dont la perte nous cause de la douleur. C'est pourquoi la patience, comme vertu, naît de la charité, selon cette parole de l'apôtre, la charité est patiente. 1 Corinthiens 13, 4. D'un autre côté, la charité n'existe que par la grâce, d'après cette autre parole, la charité de Dieu a été répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Romains 5, 5. Donc nous ne pouvons avoir la patience sans le secours de la grâce. Note. On nous dira peut-être que beaucoup d'hommes supportent, sans la grâce, des travaux et des douleurs pour les vices qu'ils aiment. Nous répondons que si la nature humaine avait conservé son intégrité, la raison prévaudrait toujours en elle, mais que, dans notre état de dégradation, les inclinations de la concupiscence dominent. Dès lors, les hommes sont plus enclins à endurer certaines souffrances pour les biens où ils trouvent présentement des jouissances sensibles, que pour les biens futurs, désirés seulement par la raison, ce qui est cependant le propre de la vraie patience. Fin de la note. 4. La patience fait-elle partie de la force? Le propre de la patience est de supporter avec égalité d'âme les maux qui nous viennent du dehors, Or les maux les plus difficiles à supporter sont les périls de mort, qui font l'objet de la force. Il s'ensuit que la force elle-même tient le premier rang, puisqu'elle revendique ce qu'il y a de plus difficile à surmonter. La patience lui est unie comme une vertu secondaire à une vertu principale. 5. La patience est-elle la même chose que la longanimité? Expliquant ces paroles, vous méprisez la bonté de Dieu, sa patience et sa longanimité. Romains 2, 4, la glose dit, la longanimité diffère de la patience. Dieu attend avec longanimité ceux qui pêchent par faiblesse, et avec patience ceux qui se complaisent dans leurs vices. Quoique la longanimité par laquelle l'âme tend à ce qui est éloigné, semble se rapprocher moins de la patience que de la magnanimité par laquelle l'âme tend à ce qui est grand, elle s'y rapporte cependant par un double motif. En effet, la patience, comme la force, supporte le mal dans l'espoir du bien. Or, si le bien n'est pas éloigné, le mal est plus facile à endurer, et si, au contraire, il ne doit arriver que dans un avenir lointain, la difficulté est plus grande. Ensuite, suivant cette parole, l'espoir différé afflige l'âme, Proverbe 13, 12, le retard du bien que l'on attend produit naturellement la tristesse. La patience est nécessaire pour supporter cette affliction aussi bien que les autres chagrins. Conséquemment, en tant que le mal qui contriste résulte, soit du délai de nos espérances, ce qui regarde la longanimité, soit de la continuation d'une bonne œuvre, ce qui appartient à la constance. La longanimité et la constance sont comprises sous la patience, que Cicéron définissait, une vertu qui supporte volontairement et longtemps des choses ardues et difficiles, pour un but honnête et utile. Note. À l'égard de ce que dit plus haut la glose, il faut remarquer que ce qui est insupportable dans ceux qui pêchent par faiblesse, c'est surtout la prolongation du mal, et voilà pourquoi Dieu les supporte avec longanimité, au lieu que, dans les autres, le péché d'orgueil est par lui-même difficile à supporter, et c'est ce qui fait dire que Dieu les tolère avec patience. Markandanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.